D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va avoir un petit récapitulatif. Récalitus sapinomarcella. L'eucalyptus, c'est bon pour la grippe. On se retrouve d'ailleurs sur le bon album. L'album Homeless, c'est celui-là. C'est ça. Merci. J'avais une perte idéologique au niveau de... T'as l'air d'avoir des pertes assez fréquemment. Ouais, ça m'arrive souvent. Des pertes. Donc, expliquons le concept révolutionnaire des Têtes deux fois. François, aide-moi, je sais jamais par où commencer. Écoute, un artiste. Un artiste. Tiste. Ok. J'aurais voulu être un artiste. Là, là, là, ouais, ouais. Ça t'en vient, là? Ouais, c'est bon. Hey, Mathieu, plante en vue, c'est le Ah oui, tu t'es embarqué. Viens dans moi. Hello. Salut, tu dis. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Merci beaucoup, homme de carnaval que tu es, Monsieur Carnaval, quand je l'appelle. il aurait fallu qu'il sonne un peu plus comme le bonhomme. Ça aurait été vraiment super, ça. Alors oui, pour le carnaval cette année. Avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, évidemment, quand même. Et Mathieu Plante. Il faut le dire, sinon les gens savent pas, puis là ils se disent, mais c'est qui ces gars-là, là? Ben, c'est nous autres. C'est nous autres. Désolé. C'est tout. Désolé. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon. Ah. Quoi ça? Hé, hey, je pensais pas être amoureux, mon gars. Ben oui, tu sais bien, gars, ça, gars. Go. Parle de quelque chose. Go, boy. Parle. Hey! Oh! Hey, j'ai failli le pogner, celle-là. Je l'ai censuré juste à temps. Dashboard Confessional avec la pièce Hands Down. Hands down. Je disais à l'italien un peu. Hands down. Mamma mia. Mamma mia. It's a very nice. Al dente. Spicy meatball. Belle affaire qui finisse en air, quoi. Hier. Hier. Je sais pas c'est quelle sorte d'animal, ça. On aurait dit un oiseau. Ah, je pense que c'est un chroméo. Un chroméo. Bon matin, les requins. Good matin, the raccoons. Je t'ai laissé bouche bée, là. T'as-tu dit good night? Good matin, ah, the reckons. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. De l'anglais. My English is good. On y va. T'sais. C'est la phrase on y va. Bon. C'était... On y va. Qui c'est qui dit ça? Je déteste. On dit on y va, non? On y va. Non, on... Ça va être une journée fort chargée. Oui, cherchez pas ailleurs. Jamais. Don't charge anywhere. It's all here. Bon, ben, si tu le demandes, François, si gentiment, toi, avec ta petite face angélique, là... Mathieu... Fais tes petits yeux doux. S'il te plaît. Ah, OK, bon, ben... Marchand. Je le dis pas, hein? Non, je sais, c'est drôle, hein? Pas grave, les gens vont t'appeler par ton prénom, là. Comme Cher. C'est ça. Ma chérie à moi. Tant que tu m'appelles comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Ça me rend mal à l'aise un petit peu. Le matin, là, quand Mathieu embarque dans mon auto, c'est ce qu'il dit. Uh-huh. Et puis on se touche les cuisses. on démarre. Oh, oh. C'est pour ça que ça démarre pas au début de l'intro. Eh. Merci François Landry. Merci François. Tu sais, au début de la chronique, j'étais pas certain où tu t'en allais, mettons. Mais après ça, je me suis rendu compte, c'est un peu, j'arrive à punchline ici, qu'il n'y avait plus d'harpeur que de mal. Oh! Il y en a plus qu'harpeur. Non? Tu as-tu pensé tout le long de la chronique? Juste parler les 3-4 dernières minutes. Ah, c'est bon. C'est quand même bien. Oui, c'est, tu t'améliores. Oui. C'est merci. Bon. Félicitations. Hey, Michel Baudry va prendre sa retraite, tu pourrais. Oh!